Fioretti ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 28. Frère Bernard est favorisé d'une extase dans laquelle il demeure privé de tout sentiment extérieur, depuis l'heure des matines jusqu'à none. Dieu se plaît à répandre des grâces abondantes et multipliées sur ceux qui pratiquent la pauvreté évangélique et qui renoncent au monde pour l'amour du Christ. La vie de frère Bernard en est un exemple bien frappant. Depuis qu'il eut pris l'habit de saint François, ce frère se sentait très fréquemment ravi en Dieu par la contemplation des choses célestes. Un jour, entre autres, qu'il entendait la messe et qu'il avait l'esprit tout appliqué au divin mystère, il demeura tellement absorbé et ravi en Dieu, qu'au moment de l'élévation du corps de Jésus-Christ, il ne s'aperçut de rien, ne s'agenouilla pas et ne baissa pas son capuchon comme les autres. Enfin, il resta dans cette insensibilité, les yeux fixes et immobiles, depuis le temps de matine jusqu'à none. Alors, revenant à lui, il parcourait le couvent en s'écriant d'une voix pleine d'admiration, « Ô frère, ô frère, ô frère, si l'on promettait d'accorder en récompense un palais magnifique et tout rempli d'or à celui qui voudrait se charger d'un grossier fardeau, non, il n'est ici personne, si grand et si noble qu'il soit, qui ne se trouva heureux de le porter. Pour lui, il avait l'esprit tellement occupé de ce trésor céleste que, pendant 15 ans, son cœur et ses yeux demeurèrent fixés vers Dieu, et toutefois il conservait, à table, l'usage des aliments, bien qu'il touchât à peine à ce qui était placé devant lui, car il disait que l'abstinence consiste moins à se priver entièrement d'une chose agréable au goût, qu'à se modérer dans l'usage que l'on en fait. Et puis, frère Bernard était doué d'une intelligence si éclairée et si pénétrante, que les clercs les plus savants recouraient à lui, pour avoir la solution des questions les plus embarrassantes et des passages de l'écriture les plus difficiles à expliquer. Comme son esprit était parfaitement dégagé de tout ce qui tient à la terre, semblable à l'oiseau, il s'élevait, par la contemplation, jusque dans les nues. On le vit pendant 20, et même 30 jours entiers, se tenir sur la cime d'une haute montagne et s'y nourrir de la méditation des choses célestes. Aussi frère Égide, faisant allusion à ses sublimes extases, disait-il de lui, que les privilèges qui lui étaient accordés étaient inconnus aux autres hommes. Plein d'admiration pour les faveurs signalées dont le Seigneur daignait combler ce frère, saint François aimait à s'entretenir souvent avec lui, et plusieurs fois on les trouva, pendant la nuit, ravis en extase dans un bois où ils se rendaient pour parler ensemble des choses de Dieu. Chapitre 29. Comment le démon apparut plusieurs fois à frère Ruffin, sous la figure de Jésus-Christ en croix, en lui disant que tout le bien qu'il faisait lui serait inutile, parce qu'il était exclu du nombre des élus, et comment saint François, connaissant cette tentation par une révélation divine, fit connaître à frère Ruffin l'erreur où il était tombé en ajoutant foi aux paroles de l'esprit imposteur. Frère Ruffin, citoyen des plus distingués d'Assise, personnage d'une haute sainteté et compagnon de saint François, fut, pendant un temps, violemment travaillé par des tentations intérieures au sujet de la prédestination. Il était alors triste et mélancolique, car le démon lui annonçait qu'il était damné, exclu du nombre des prédestinés, et que tout le bien qu'il pouvait faire dans l'ordre était perdu. Cette tentation continua pendant plusieurs jours, et le frère, sans oser s'en ouvrir à saint François, persévérait néanmoins dans les prières et les jeûnes d'usage. Mais l'ennemi vint ajouter encore à sa tristesse, non content de le tourmenter à l'intérieur, il le combattit encore à l'extérieur par de fausses apparitions. Un jour, il lui apparut sous la figure de Jésus-Christ en croix, et lui dit, « Ô frère Rufin, pourquoi donc te consumer en mortification et en prière? Tu es exclu du nombre des prédestinés, et tu peux m'en croire, car je connais les élus. Mais pour le fils de Pierre Bernardone, ne l'écoute pas, s'il t'assure le contraire, ne l'interroge même pas à ce sujet, car ni lui ni d'autres ne peuvent te répondre, c'est de moi seul, qui suis le Fils de Dieu, que ces secrets sont connus. Je te le dis donc, et tiens-le pour certain, tu es du nombre des réprouvés, et sache que le fils de Pierre Bernardone, ton père, et Bernardone lui-même sont damnés, et que celui-là est dans l'erreur qui marche à la suite de François. » À ces paroles, frère Ruffin sentit son esprit tellement obscurci par le prince des ténèbres, qu'il en perdit la connaissance et l'amitié qu'il avait pour le saint, et qu'il ne pensa plus à lui découvrir l'état de son âme. Mais ce qu'il tenait caché, fut révélé par l'Esprit divin. Saint François, voyant le danger où se trouvait frère Ruffin, le fit demander par frère Massé. « Et qu'ai-je à faire avec frère François ?» répondit le frère avec dédain, « Laissez-moi. » Frère Massé, instruit par une sagesse divine de la ruse du démon, dit à frère Ruffin, « Ô mon frère, vous ne savez donc pas que frère François est un ange qui éclaire bien des âmes dans le monde, et qui nous a procuré à nous-mêmes bien des grâces de la part de Dieu ? Oui, je veux que vous veniez le trouver avec moi, car, je le vois, le démon vous a trompé. » Frère Ruffin finit par céder à ses instances, et le suivit. Saint François, dès qu'il l'aperçut, s'écria de loin, « Ô malheureux frère Ruffin, à qui donc avez-vous ajouté foi ?» Puis, quand il fut près de lui, il lui raconta toutes les tentations intérieures et extérieures que le démon lui avait suscitées, et il lui fit connaître clairement que celui qui lui avait apparu sous la figure du Christ, n'était que l'esprit malin. Ensuite, après lui avoir recommandé de renoncer à toutes les suggestions mauvaises du tentateur, il ajouta, « S'il vient à vous répéter encore que vous êtes damné, dites-lui, approche, infâme, que je te couvre d'ordures. » À cette réponse, vous le verrez aussitôt prendre la fuite, et vous connaîtrez par là que c'était le démon et non pas le Christ qui vous apparaissait. D'ailleurs, une marque à laquelle vous deviez vous apercevoir de l'imposture, c'est que l'esprit malin cherchait à vous détourner du bien, c'est là son œuvre propre, mais pour le Christ, jamais il n'endurcit le cœur de l'homme fidèle. Au contraire, il le touche, selon qu'il le dit par son prophète. « Je vous enlèverai ce cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Frère Ruffin, voyant alors que le saint lui rapportait exactement toutes les tentations qu'il avait éprouvées, et touché par ses paroles, tombe à ses pieds en fondant en larmes et lui demande humblement pardon de ne lui avoir pas découvert les tribulations qui avaient agité son âme. Dès lors, consolé et encouragé par les instructions qu'il venait de recevoir, il sentit un changement complet s'opérer en lui. Lorsqu'il le vit dans ses dispositions, « Allez, mon fils, lui dit Saint François, confessez-vous, continuez à vous appliquer à l'oraison, et sachez bien que la tentation que vous venez d'éprouver vous sera d'une grande utilité, qu'elle vous procurera une grande consolation, vous l'expérimenterez bientôt. » Frère Ruffin revint à sa cellule dans le bois, et s'y mit en prière avec une grande abondance de larmes. Mais, en ce moment, voici que soudain le démon lui apparaît de nouveau sous la figure du Christ. « Ô frère Ruffin, lui dit-il, ne t'avais-je pas prévenu de ne pas croire aux paroles du fils de Pierre Bernardin ? Ne t'ai-je pas dit de ne pas te consumer en larmes et en prières ? Puisque tu es du nombre des réprouvés, à quoi bon t'affliger ainsi pendant la vie, puisque la damnation doit être ton partage après la mort ? Approche, infâme, répondit frère Ruffin, viens, que je te couvre d'ordures. À ces mots, le démon s'enfuit plein de dépit, et il excita sur le mont Soubaz, en se retirant, une si grande tempête et une commotion si violente, que, longtemps après, on entendait encore le bruit des pierres qui se précipitaient du sommet de la montagne, et le choc qu'elles produisaient, en se brisant dans leur chute, était tel qu'il s'en échappait une flamme immense qui se répandait par toute la vallée. Le bruit de cette commotion parvint jusqu'à Saint-François et à ses compagnons, et ils sortirent du couvent, tout effrayés, pour en connaître la cause. Maintenant encore, une multitude de pierres dispersées atteste le désordre qui eut lieu dans cette circonstance. Frère Ruffin reconnut alors évidemment qu'il avait été trompé par le démon, il retourna vers Saint François, et se jetant à ses pieds de nouveau, il lui demanda humblement le pardon de sa faute. Le saint le reçut avec bonté, lui adressa quelques douces paroles d'encouragement et le renvoya joyeuse et remplie de consolation. Peu de temps après, dans un moment où frère Ruffin priait avec ferveur, le Christ lui apparut, embrasa son âme du divin amour et lui dit « Vous avez bien fait, fils, d'en croire aux paroles de frère François. Car celui qui a jeté le trouble dans votre esprit est véritablement Satan lui-même. C'est moi qui suis le Christ, et le signe auquel vous le reconnaîtrez, c'est que jamais plus désormais la tristesse et la mélancolie ne viendront attrister votre âme. » À ces mots, le Christ disparut, laissant le frère dans une douce allégresse et avec une élévation d'esprit si sublime, que, jour et nuit, il était absorbé et ravi en Dieu. Dès lors, il fut tellement confirmé en grâce, tellement sûr de son salut, qu'il se sentit entièrement changé, et il serait demeuré continuellement en prière, dans la contemplation des choses divines, si les frères lui avaient laissé. Aussi saint François disait-il de lui que, dès cette vie même, le Christ l'avait canonisé, et que, partout ailleurs qu'en sa présence, il n'hésiterait pas à lui donner le nom de saint, quoiqu'il fût encore sur la terre. Chapitre 30. De la merveilleuse prédication que fira assis saint François et frère Ruffin. Par suite de l'état de contemplation où il se trouvait continuellement, frère Ruffin avait l'esprit tellement absorbé en Dieu, qu'il en devenait parfois comme insensible et muet, prononçant à peine quelques mots et ne sentant plus en lui ni la force, ni la grâce, ni la facilité nécessaire pour annoncer la parole de Dieu. Un jour, saint François lui ordonna d'aller à Assise et de prêcher au peuple ce que l'Esprit Saint lui inspirerait. « Révérend, Père, lui répondit frère Ruffin, je vous en prie, ne m'imposez pas une pareille obligation, vous le savez, je n'ai pas la grâce de la prédication, je suis simple et ignorant. » « Eh bien, reprit le saint, puisque vous n'avez pas obéi promptement, au nom de la sainte obéissance, je vous ordonne de vous rendre sur le champ dans une église d'Assise et d'y prêcher sans tunique. » Note. Saint François imitait en cela les saints pères du désert qui, au rapport de Cassien, commandaient quelquefois à leurs disciples des choses puériles et déraisonnables en apparence, pour leur apprendre la sainte folie de la croix, par le renoncement à leur propre volonté, à leur propre jugement et à la sagesse du monde, et Dieu autorisait cette conduite par des miracles. D'ailleurs, l'épreuve était moins blessante pour les yeux de la foule sous un climat chaud, où l'on voit encore les Lazzaroni dans le costume décrit par l'auteur des Fioretti. Fin de la note. Le frère obéit, se dépouilla de ses vêtements et partit aussitôt pour la ville. Lorsqu'il y fut arrivé, il entra dans une église, et, s'étant prosterné quelque temps devant l'autel, il monta en chaire et se mit à prêcher. Dès qu'on l'eut aperçu, chacun partit d'un éclat de rire. « Voilà un de ces hommes, disait-on, qui, à force de pénitence, s'est rendu fou et qui ne sait plus ce qu'il fait. » Cependant, saint François fit réflexion sur la promptitude avec laquelle frère Ruffin lui avait obéi. En partant pour Assise, il considéra que c'était un des citoyens les plus distingués de cette ville, et que l'ordre qu'il lui avait imposé était bien dur à exécuter. Alors il se reprocha sa sévérité, et se dit « Au fils de Pierre Bernardone, petit homme, méprisable. D'où te vient donc tant de présomption de commander à Pierre Ruffin, à l'un des hommes les plus respectables d'Assise, d'aller prêcher presque nu et comme insensé? Eh bien, tu vas exécuter toi-même les ordres que tu imposes aux autres. » Et aussitôt, dans la ferveur qui l'animait, le saint se dépouille à son tour de ses habits, et se rend à Assise avec frère Léon, qu'il charge de ses vêtements et de ceux de frère Ruffin. Dès qu'il parut dans la ville, les habitants recommencèrent sur son compte les plaisanteries dont frère Ruffin avait été l'objet un instant auparavant, mais, sans s'en inquiéter, il va droit à l'église où prêchait ce frère. Il s'écriait alors, « Ô mes chers amis, fuyez le monde, renoncez au péché et restituez le bien d'autrui, si vous voulez échapper au feu des enfers. Observez les commandements de Dieu, aimez-le, et aimez aussi le prochain, c'est par cette voie que vous arriverez au ciel et que vous aurez part au royaume de Dieu. » Dès que frère Ruffin eut cessé de parler, le saint monte en chaire à son tour et prêche avec tant de force sur le mépris du monde, la sainte pénitence, la pauvreté volontaire, le désir du royaume des cieux, le dépouillement et l'opprobre de notre Seigneur dans sa passion, que tous ceux qui l'écoutaient fondaient en larmes et se sentaient touchés de ferveur et de compunction. La douleur qu'il excita en parlant de la passion du Sauveur ne se répandit pas seulement dans son auditoire, la ville tout entière entra dans des sentiments de tristesse et de regret dont on n'avait jamais eu d'exemple. Lorsqu'ils virent que leurs paroles avaient été pour le peuple un sujet de ferveur et de consolation, saint François et frère Ruffin reprirent leurs vêtements et retournèrent au couvent de la Portiuncule, louant et glorifiant Dieu de leur avoir donné la grâce de se vaincre par le mépris d'eux-mêmes, heureux d'avoir pu édifier, par leurs exemples, les brebis de Jésus-Christ et de les avoir convaincus de l'importance du mépris du monde. Dès lors, le respect du peuple à leur égard s'accrut tellement qu'on s'estimait heureux d'avoir pu seulement toucher le bord de leurs vêtements. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bréa 1859 et Bréa et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.